Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, devait se réaliser. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de cela. Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. » Puis Jésus les emmena hors de la ville, jusque vers Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu.